C'est bon. Alors, peut-être juste avant qu'on ouvre la parole ensemble dans le psaume 50, on va aller dans un mot de prière, on va implorer la bénédiction du Seigneur ensemble. Eh bien, Seigneur, on est béni ce matin d'être en ta présence, de t'appartenir. Merci pour Jésus qui a payé pour nos péchés, qui nous a réconciliés avec toi, puis qui nous garantit de ta part ta faveur, tes bénédictions, tes richesses, tes tendres soins. Tu prends soin de nous comme un bon papa. Et donc, quand on s'approche de ta parole, qui est un des outils que tu emploies, on s'attend, Seigneur, à être enrichi, affermi et encouragé, même repris quelquefois. Fais ton œuvre de grâce, Seigneur, envers nous. On prend ce temps aussi pour te prier pour notre sœur Rolande. Seigneur, que dans ces moments plus difficiles pour elle, tu puisses rappeler à son cœur, à son esprit, les promesses, les vérités de ta parole, pour que malgré ce qui se passe, elle puisse te glorifier par une paix, une satisfaction et même une joie en toi. Prends soin de son cœur, de son âme et de son corps, Seigneur, on te prie que tu la rétablisses, que tu la relèves de cela. Alors, bénis-la, bénis sa famille, Seigneur, aussi au travers de cela. Merci d'entendre nos prières, au nom de Jésus. Amen. Donc, on continue ce matin sur les perfections de Dieu. C'est une façon de regarder à Dieu. La Bible nous dit, soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et on regarde à Dieu de différents angles. On voit ses perfections. D'autres appellent ça ses attributs. C'est correct. Je préfère le mot perfection parce que ça nous montre comment il est, ce qu'il est grand, grandiose et merveilleux. Ça l'élève. Donc, ce matin, on va parler du Dieu qui est autosuffisant, qui est tout suffisant. Et on va tirer la leçon du psaume 50, parce que c'est un des enseignements principaux du psaume 50. Alors, je vous invite tout de suite à y tourner et je vais faire la lecture, pas de tout le psaume, mais des 15 premiers versets. Psaume 50. Alors, c'est un psaume d'Asaph, qui était un des chantres en Israël. Et il dit ceci, inspiré par Dieu. « Dieu, Dieu, l'Éternel, parle et il convoque la terre, depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. De Sion, beauté parfaite, Dieu resplendit. Il vient, notre Dieu. Il ne reste pas en silence. Devant lui est un feu dévorant. Autour de lui, une violente tempête. Il crie vers les cieux en haut et vers la terre pour juger son peuple. Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Et les cieux publieront sa justice, car c'est Dieu qui est juge. Écoutez mon peuple et je parlerai. Israël, et je t'avertirai, je suis Dieu, ton Dieu. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches. Tes holocaustes sont constamment devant moi. Je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries, car tous les animaux de la forêt sont à moi. Toutes les bêtes des montagnes par milliers, je connais tous les oiseaux des montagnes. Tout ce qui se meut dans les champs m'appartient. Si j'avais faim, je ne te le dirais pas, car le monde est à moi et tout ce qu'il renferme. Est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce et accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Amen. Donc, le psaume 50, c'est clair, c'est l'image d'un procès. Dieu intente un procès à son peuple. Et il y a deux accusations qu'il porte contre lui dans le psaume 50. Donc, on a la scène du procès qui est décrite dans les versets 1 à 7, la cour. Versets 8 à 15, il y a l'accusation numéro 1. Et c'est sur celle-là qu'on va s'attarder ce matin. Dieu leur reproche, les accusent d'une conception erronée quand ils offrent leur sacrifice. Ce qu'ils ont dans la tête, comment ils pensent, c'est erroné et Dieu les... C'est tellement sérieux qu'il intente un procès contre eux pour cela. Donc, leur conception erronée face au sacrifice. Et dans la dernière partie, qu'on ne traitera pas ce matin, malheureusement, mais la deuxième accusation, c'est leur désobéissance à la loi. Il y a tellement d'éléments qui transgressent. Le thème de l'alliance est important là, dans ce psaume-là. Et il y avait deux éléments particuliers dans l'alliance. C'était la loi puis les sacrifices. Et dans les deux, ils sont répréhensibles. Mais Dieu commence par la question des sacrifices. Ils ont des problèmes. Et ce que Dieu leur reproche au verset 8, ce n'est pas leur constance, ce n'est pas la fréquence des sacrifices. Leurs sacrifices sont là matin et soir, nouvelle lune, au sabbat. Tout ce que Dieu avait demandé, les sacrifices sont là constamment. Mais c'est ce qu'ils ont dans leur cœur quand ils offrent le sacrifice. C'est là le problème. Puis regardez des versets 9, je vais le relire. C'est quoi leur conception? C'est quoi qu'ils ont dans la tête qui fait en sorte que Dieu dit, « Ça ne passe pas et j'intente un procès contre vous. » Mais c'est quoi qui est si grave? Regardez, je relis à nouveau le verset 9. Dieu dit, « Vous m'offrez des sacrifices, mais rappelez-vous ceci. Tous les animaux des forêts sont à moi. Les bêtes des montagnes par milliers, c'est à moi. Les oiseaux, ça m'appartient. Je les connais même par leur nom. » Tout ce qui se meut dans les champs, vos brebis, les bœufs, les vaches, tout ça, tout ce qui est là dans les champs, ça m'appartient déjà. Puis il dit, si j'avais faim, là, si tu penses qu'en offrant tes sacrifices, tu me nourris, tu me rapportes quelque chose, que je suis une espèce de Dieu indigent, nécessiteux, qui a besoin, qui dit, ah, ils m'amènent leur sacrifice, une chance, j'aurais pas survécu sans ça, ou ils répondent à un besoin profond en moi. Il dit, si j'avais faim, là, je te le dirais pas. J'ai déjà tout. Mais en même temps, je ne mange pas les animaux. C'est la question au verset 13. Voyons, est-ce que je mange la chair des taureaux? Le problème, c'est malgré leur religion qui est là régulièrement, ils pratiquent, ils font les choses que Dieu demande, leur problème, c'est qu'ils approchent Dieu comme un Dieu nécessiteux, un Dieu qui est dans le besoin, un Dieu là, qu'il faut que j'intervienne puis que je l'aide, pauvre Dieu. Et ça, Dieu dit non. Oh non! Parce que cette conception est tout à fait contraire à la révélation que Dieu donne de lui-même, non seulement ici dans ce psaume-là, mais ailleurs dans l'Écriture. Il y a beaucoup d'attributs de Dieu qu'on parle qui ont le mot « tout » dedans. Hein? Il est tout-puissant, ou des fois c'est le mot « omni ». Il est présent partout. Il est omniprésent, omniscient, il sait tout. Mais il faut ajouter un autre. Dieu, il est tout suffisant. Il n'a besoin de rien en dehors de lui-même. Rien de tout ce que Dieu a créé, rien de tout ce qui l'entoure ne peut lui apporter, lui ajouter quoi que ce soit. On appelle cet attribut-là la toute suffisance de Dieu. Grudem, dans son livre, gros livre là, de théologie systématique, il parle de cet attribut comme ceci. Lui, il appelle ça l'indépendance de Dieu. Il y a différents termes que les théologiens emploient. Et il décrit comme ceci. Dieu n'a pas besoin de nous, ni du reste de sa création, soit pour exister ou soit pour quoi que ce soit d'autre. Il n'a pas besoin de nous. Dieu est absolument indépendant et autosuffisant. Dans la confession de Westminster, qui est un classique qui résume un peu ce qu'un croyant croit, là, son credo, ça nous dit ceci concernant la toute-suffisance de Dieu. Ça apparaît à l'écran. Dieu possède en lui-même et par lui-même toute vie, gloire, bonté, et bonheur. Il se suffit parfaitement à lui-même et n'a besoin d'aucune créature qui l'a faite. Il ne tire d'elle aucune gloire, c'est-à-dire que, oui, on le glorifie, mais on n'ajoute rien à la gloire de Dieu, comme si il y avait un certain degré de gloire, puis nous, là, en le servant, puis en le célébrant, on ajoute à sa gloire. Non, non, non, non. aucune gloire, mais il manifeste seulement sa propre gloire en, par, vers et sur elle, sa créature. Sa créature voit sa gloire. Paul, de la même manière, quand il est arrivé à Athènes, puis il a vu, c'était une ville pleine d'idoles. Et Paul a été irrité. Et il dit ceci, il dit, voyons, le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui existe, étant le Seigneur du ciel et de la terre, c'est le texte suivant, il dit, il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Notre service qu'on rend à Dieu, on est appelé à le servir, mais jamais comme s'il y avait besoin de quoi que ce soit. Jamais dans la perspective que j'apporte, j'ajoute, je donne quelque chose à Dieu qu'il n'y a pas, que je suis presque essentiel pour la vie ou un besoin que Dieu aurait. Jamais. Il n'est pas servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. C'est tout un texte. Et ça, c'est une catégorie que nous, on ne connaît pas. Tout ce qu'on connaît autour de nous est dépendant. Nous, l'être humain, on a la vie parce que ça nous a été donné, on était dépendant de nos parents, le contexte dans lequel on peut survivre, ça nous prend de l'air, ça nous prend de l'eau, ça nous prend de la nourriture, on a des besoins psychologiques, c'est essentiel parce que les gens se suicident quand les besoins ne sont pas rencontrés, on est tellement dépendant des autres autour de nous, on a des besoins spirituels, Dieu prend soin de nous, Alors, nous, on est des êtres très dépendants, puis c'est tout ce qu'on connaît. Mais essayez de vous imaginer. Dieu, là, je le compare à une chute qui coule. Et là, vous pouvez monter, vous allez jusqu'à la source, puis vous vous rendez compte que la chute, tout ce qu'elle fait, c'est qu'il y a quelque chose qui sort, mais il n'y a rien qui rentre. Tu dirais, mais voyons, ça ne se peut pas. On ne connaît rien comme ça. Mais je trouve que c'est une belle image. Dieu, il n'y a rien qui rentre, il n'y a rien qui vient pour remplir quelque chose en lui, mais c'est un Dieu qui donne, sans jamais se vider de quoi que ce soit, qui est une source infinie de puissance, de sagesse, de grâce, de bonté, de provision de toutes sortes pour nous. Quand Dieu est apparu à Moïse dans Exode chapitre 3, sous quelle forme il est apparu? Un buisson qui brûlait, mais qui ne se consommait pas. Vous avez déjà vu ça, vous mettez une bûche dans le poêle, un an après, elle brûle encore, mais c'est encore une bûche. Dieu, c'est un Dieu qui est comparable à un feu, puis la source inépuisable, qui n'a pas besoin d'être réalimentée, qui n'a pas besoin d'être nourrie. Oh, Seigneur, viens nous toucher, aide-nous à saisir là quelque chose qui va faire que, sérieusement, on va tomber sur nos genoux et on va dire, mais qui est semblable à toi? Et toutes les autres choses dépendent de toi, même une vulgaire roche. Qu'est-ce qui fait? Si vous la regardez au microscope, la roche, il y a plein de petits atomes, de molécules là, qui se touchent même pas. Hein? Mais il y a une loi, Dieu soutient toutes choses, qui fait que ça reste ensemble, cette affaire-là. Que n'importe quel élément de la création, il y a des propriétés, puis c'est parce que Dieu soutient que de l'essence reste de l'essence, puis que les choses restent ensemble. Mais, donc Dieu, lui, il soutient tout, tout dépend de lui, mais lui n'a besoin de rien d'autre. Les théologiens ont employé différents mots pour parler de cela. Ils parlent de l'indépendance de Dieu, de l'autonomie de Dieu, son existence propre, par lui-même, même la solitude de Dieu, j'aime moins ce mot-là, là, parce que solitude, c'est un mot négatif pour nous, mais l'idée, c'est qu'il est complet en lui-même. Nous devons, frères et sœurs, dans notre service, dans notre communion avec Dieu, absolument éviter de servir Dieu comme s'il était un être nécessiteux. Absolument. Cette fausse conception que les Juifs avaient ici, on va le voir dans le texte, a créé a créé trois problèmes. Il y a vraiment trois problèmes que le texte nous présente quand on pense à Dieu comme celui-là. Un, ça provoque Dieu. Deux, ça implique une méconnaissance de qui il est. Puis trois, ça va nécessiter absolument une réforme. Il faut changer si on a de telles pensées. On va les regarder rapidement un après l'autre. Donc, une telle conception, ça provoque Dieu. Ça, c'est dans le verset 1 à 7. On a une expression qui dit « Au grand mot, les grands remèdes. Hein? » Au grand mot, les grands remèdes. Et Dieu, il ne prend pas ça à la légère, que son peuple pense comme ça. Qu'en offrant des sacrifices, là, il l'offre à une espèce de Dieu qui est dans le besoin. Et c'est si offensant, c'est si insultant pour Dieu que le peuple l'approche comme ça, que finalement, il réagit avec vigueur, avec intensité, et il leur intente un procès, carrément. Et c'est le début du psaume 50. Dieu intente un procès. On se retrouve en pleine scène de cour, ici, dans les versets 1 à 7. Et ce n'est pas n'importe qui parle. Alors, vous imaginez au palais de justice, puis c'est Dieu. Puis il commence en disant « Dieu, Dieu ». L'Éternel, il emploie trois mots, un après l'autre. Là. Dieu dit, non, ça ne passe pas, puis moi, y aller en personne. Vous allez, non, Dieu, Dieu, l'Éternel, là, j'ai quelque chose à vous dire. Et c'est une théophanie en même temps, au verset 3, d'alors que Dieu approche pour faire le jugement, devant lui est un feu dévorant, autour de lui une violente tempête. Il y a un parallèle très clair ici avec le Sinaï, de quand Dieu a donné la loi, ça brassait, le peuple était épouvanté. Alors, ce Dieu-là qui vient intervenir, il dit, non, je ne suis pas un Dieu nécessiteux. Attention, je suis un feu dévorant. Et ce que vous avez vu au mont Sinaï, ben, vous allez le vivre maintenant. C'est Dieu le greffier, c'est lui qui convoque son peuple, puis qui convoque toute la terre, du soleil levant au soleil couchant, venez, on a quelque chose à régler. Il appelle les accusés, il dit « Rassemble-moi », au verset 5, « Rassemblez-moi mes fidèles, ceux qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Il est le juge dans ce procès-là, verset 4, verset 6. Il est le procurateur, c'est lui qui va témoigner, puis qui va apporter les accusations contre son peuple. Le verset 7, moi dans ma traduction, c'est « Écoute et je t'avertirai », mais on pourrait traduire « je t'avertirai » par « je vais témoigner contre toi de ce que tu fais ». Mais vous avez remarqué, dans le psaume 50, là, Dieu a beaucoup de reproches à faire à son peuple. Par la suite, là, il va leur dire, « Hey, vous êtes des voleurs! » Il va leur dire, « Vous êtes des adultères! » au verset 18. « Vous trompez par votre bouche! Vous êtes des menteurs! » Toutes des choses que la loi interdisait. « Vous calomniez! » au verset 20, « votre frère! » C'est grave! Mais par quoi il commence? Pourtant, c'est des choses graves, ça fait partie des 10 commandements, là. Il dit, avant qu'on parle de ça, là, il y a de quoi de prioritaire. Arrêtez de me traiter comme un Dieu nécessiteux. Ça montre le sérieux que Dieu ait placé ça dès le départ. Même Paul, quand il était dans Acte 17, il est arrivé à Athènes, puis il a vu ses idoles, puis la manière dont il est servi, il dit, voyons! Et c'est écrit que Paul a senti son esprit s'irriter en dedans de lui à cause de cette ville pleine d'idoles. Mais il était irrité, puis il leur dit, « Voyons, le Dieu que je sers n'a pas besoin de nous autres. C'est quoi votre religion? C'est quoi votre problème? Vous ne connaissez pas Dieu. » Et ça l'a irrité. Peut-être que vous avez déjà assisté à, ou vous-même enseigné à une classe d'école du dimanche, puis un enfant lève la main, puis il vous dit, pourquoi Dieu a créé toutes choses? Et bon, le bon chrétien va répondre, ben Dieu, on a entendu ce genre de choses. Ben Dieu, là, il était au ciel de toute éternité, il était tout seul. Puis Dieu s'ennuyait. Puis il disait, oh, pas personne à qui parler, pas de communion. Puis Dieu était triste. Puis là, il est venu une idée, il se dit, hey, je vais créer le monde, l'humanité, les hommes. Puis je vais pouvoir avoir quelqu'un qui me divertit, à qui parler, avoir une communion. Alors Dieu nous a créés et on est là pour lui. Ah, on en rit. Mais quel blasphème, frères et sœurs. Quel blasphème! Dieu n'a pas créé le monde par besoin, par nécessité. Il a créé le monde par grâce et par bonté, tout simplement. Si Dieu avait absolument besoin du monde, tu sais, il commence Paul en disant, étant le Seigneur, lui qui est le Créateur, étant le Seigneur du ciel et de la terre, c'est lui qui a créé. Alors, de toute éternité, Dieu existait comme Dieu bienheureux. On le présente comme ça. Puis, quand on rentre dans la présence de Dieu, on rentre dans la joie de Dieu. Dieu est un Dieu de joie, un Dieu parfaitement satisfait, en paix, le Dieu de paix. Il était comme ça de toute éternité. Alors, il n'a pas créé la terre par manque. Il est accomplé, satisfait. Mais, une fois qu'il a créé la terre, lui s'investit. Lui donne à tous la vie, la respiration et l'être et toute chose. Alors, c'est un blasphème. Puis, je vais vous dire, des fois, j'entends des appels au ministère. Hein, on assiste à des réunions. On dit, qui va se lever pour le Seigneur? Le Seigneur a besoin de serviteurs qui partent, puis qui vont aller en mission, puis qui vont témoigner pour lui. Puis j'entends des fois, même des... On prépare les offrandes, on veut que les gens donnent en offrande, puis on va dire, le Seigneur a besoin, puis là, on a une espèce de poids comme si, si on ne donne pas, le pauvre Dieu, il n'y aura pas les ressources qu'il faut pour accomplir sa mission, puis faire... accomplir ce qu'il désire, puis là, on est là, puis finalement, on donne, on dit, là, Dieu doit être content, n'as-tu assez, Dieu? Ouais, pour une semaine, je n'ai assez, mais la semaine prochaine, on revient, parce que là, les banques vont commencer à être vides. Voyons donc, quel blasphème! Dieu n'est pas comme ça. Oui, mais vous allez dire, écoute, ça veut dire d'abord, pourquoi on donne à Dieu, pourquoi on le sert? On va en parler, on va revenir là-dessus. Mais, je vais tout de suite dire ceci, c'est il y a toute une différence entre servir un Dieu tout suffisant et servir un Dieu nécessiteux. Un, Dieu me donne, me comble, je suis rempli de joie, je suis satisfait. Et de ce cœur débordant, j'offre quelque chose à Dieu, comme les enfants. C'est votre fête. Hein? Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous demandent de l'argent pour qu'ils aillent nous acheter un cadeau. Puis là, quand le cadeau arrive, ils ont enveloppé ça dans du papier gazette, puis ils ont mis un dessin là-dedans. Puis, est-ce que ça répond à un besoin? Est-ce que j'ai besoin de ça pour vivre? Non, mais ça me fait plaisir. Je vois leur cœur. Alors, ce n'est pas de la nécessité, mais Dieu est un Dieu en même temps qui prend plaisir à voir ses enfants. Faire le bien, l'aimer, l'adorer, il prend plaisir. Mais il y a un monde entre ça et se nourrir de cela. Donc, premièrement, cela implique, cela provoque Dieu dans les versets 1 à 7. Deuxième élément, cette fausse conception, cela implique une méconnaissance de qui il est. Je vais lire verset 8. Ce n'est pas pour tes sacrifices que je te fais des reproches, tes holocaustes sont constamment devant moi. Puis là, il dit, je ne prendrai pas un taureau dans ta maison, ni des boucs dans tes bergeries. Remarquez, dans ta maison, des boucs dans ta bergerie, tu penses que c'est à toi, là? Mais il dit, car tous les animaux des forêts sont à moi. Et c'est peut-être moins évident en français, mais il y a vraiment, dans l'original, un contraste entre toi, tes affaires et moi, mais. Et il dit, verset 12, si... J'avais faim, je ne te le dirai pas, car le monde est à moi, tout ce qu'il renferme. En d'autres mots, en faisant cela, tu ne réalises pas que d'abord, tu offres quelque chose à Dieu, mais toutes choses lui appartiennent déjà. On ne pourra jamais accuser Dieu de voler. Tout lui appartient. Il ne pourrait pas voler rien, Dieu. Hein? Tout lui appartient. Les animaux des forêts, ils parlent des animaux des champs. Ce qu'eux, là, ils venaient offrir à Dieu, Dieu est en train de leur dire, bien, c'est moi qui vous l'ai déjà donné. Puis si j'avais faim, puis je ne mange pas, mais si j'avais faim, je ne te le dirais même pas. Toutes ces choses-là m'appartiennent déjà. Ça c'est le premier élément. Tiens, en fait, notre relation avec Dieu, le frère et sœur, c'est pas nous qui donnons quelque chose à Dieu. Ça ne commence pas comme ça. C'est il y a d'abord une flèche qui part du ciel qui vient à nous. Dieu nous donne. Même ce qu'on fait dans notre service, il crée en nous le vouloir et le faire. Alors, si tout à coup, tu as le désir de servir, de faire de quoi, ce n'est pas né par toi-même. Tu n'as pas eu la brillante idée tout à coup. Dieu l'a mis en toi. Il crée en nous le vouloir et le faire. Il t'équipe, il donne les dons spirituels. Il donne les ressources qu'on a besoin pour le servir. Et comblé par Dieu comme ça, de ce qu'il nous a déjà donné, on lui donne en retour. Et les biens, c'est la même chose. On donne une partie, puis c'est un auteur de l'Ancien Testament qui dit, on reçoit de ta main ce qu'on te donne, Seigneur. Et la deuxième chose, ils connaissent pas vraiment qui est Dieu. Il est le propriétaire. Toutes choses lui appartiennent. Puis au verset 12 et 13, il n'a pas besoin d'être nourri. Il pose la question, voyons, est-ce que je mange la chair des taureaux? Est-ce que je bois le sang des boucs? Ces païens-là étaient habitués, eux, avec les dieux, c'était un deal. Donnant, donnant. Tu me grattes le dos, je te gratte le tien. On appelle ça, nous, renvoyer l'ascenseur. Hein? Ça veut dire qu'il y avait le dieu de la température. Puis là, je fais un deal avec Dieu. Dire, Dieu, si je t'offre mon fils en sacrifice, je te donne des bêtes assez. Veux-tu envoyer de la pluie pour permettre que ma récolte puisse... Donc, je te donne, tu vas me donner en retour... Puis les sacrifices, c'était comme ça, eux autres, dans leur tête, ils nourrissaient leur Dieu. Puis si Dieu n'était pas assez nourri, souvent les dieux contrôlaient les éléments de la nature, bien, il allait arriver des tempêtes, des maux dans leur vie, des difficultés. Puis, alors, tu sais, tu avais affaire à dealer comme il faut, puis d'en donner suffisamment, parce que sans ça, Dieu ne serait pas content. Là. Hein? Imaginez que vous avez faim, vous arrivez dans une ville, puis le propriétaire de l'épicerie... a besoin de rien. Tu dis, bon, j'aurais besoin de telle chose, combien ça coûte? Non, ici, moi, je ne reçois pas d'argent, je n'ai pas besoin, je suis millionnaire, je n'ai pas besoin d'argent. Mais j'ai faim, j'ai un besoin, comment je peux faire pour obtenir? T'as rien que me le demander, je vais te le donner. Pas besoin de me donner rien, j'ai tout. Mon plaisir, c'est de donner. Es-tu sérieux? Puis là, on partirait un petit peu. Imagine, tu dis, ah ouais, et là, tu pars avec, tu fais que... Ben, sais-tu qu'est-ce qu'il dirait? Tu me glorifies parce que tu crois à ma générosité. Plus tu en prends, là, plus tu me glorifies parce que tu comprends qui je suis. Mais nous, là, on est là, puis on deal avec Dieu, puis on en demande, puis on dit, ouais, si notre journée n'a pas été assez bonne, si on n'a pas gagné assez de points Air Miles dans notre journée, comment demander à Dieu? Là, on est plus mal, puis... Il n'a pas besoin d'être nourri. Il ne se nourrit pas. Dans Ésaïe 40, Dieu parle avec son peuple. Écoutez bien ce qu'il dit. Il veut leur parler justement comment qu'il est tout suffisant. Il dit, qui a sondé l'Esprit de l'Éternel? Qui l'a éclairé de ses conseils? Est-ce qu'à un moment donné, là, Dieu, il a besoin des êtres humains et dire, hey, qu'est-ce que je vais faire dans cette situation-là? Écoute, Benoît, qu'est-ce que tu en penses, toi? Ah, ben, je pense, Seigneur, tu devrais faire telle chose. Hey, merci, Benoît, je n'avais pas pensé à ça. Y a-t-il besoin de nos conseils? Qui l'a éclairé de ses conseils? Avec qui a-t-il délibéré pour en recevoir l'instruction? Qui lui a appris les sentiers de la justice? Qui lui a enseigné la sagesse et fait connaître le chemin de l'intelligence? Et là, il ajoute ceci. Voici, les nations sont comme une goutte d'eau dans un seau. Elles sont comme la poussière sur une balance. Voici, les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Quand vous allez acheter quelque chose à l'épicerie ou je ne sais pas quoi, puis là, vous mettez sur la balance, avez-vous déjà dit au commis, « Hey, attends un petit peu, il y a de la poussière, puis tu enlèves la... » OK, là, correct, tu peux... Mais il y a une poussière, ça vaut quoi? Dieu dit, toutes les nations, mettez toute votre sagesse, vos avoirs, votre pouvoir, vos capacités, mettez tout ça, là. Puis pour moi, c'est une poussière, ça balance. Une goutte d'eau dans un seau. Si tu vas chercher de l'eau, puis tu fais un kilomètre, puis tu arrives, puis il y a juste une goutte qui est tombée, que tu as perdue pendant le chemin, tu vas dire quoi? J'ai rien perdu. C'est tellement banal. Et l'idée ici, c'est pas que Dieu se fout de nous, mais c'est que, qu'est-ce qu'on peut lui rapporter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut ajouter à Dieu? Imaginez que vous avez besoin d'un emploi. Vous vous présentez dans une entreprise, Puis il dit, j'ai besoin de personne. Ah, là, tu dis, hey, regarde mon curriculum, regarde mon expérience, etc. J'ai besoin de rien. Mais sais-tu quoi? Je vais t'engager. Pour toi, toi, tu as besoin d'un travail, toi. C'est comme ça avec Dieu. Imaginez que vous devez conquérir, vous êtes un célibataire, une célibataire, vous voulez conquérir une autre personne. Elle n'a pas besoin de rien. Elle n'a pas besoin d'intimité, pas besoin de sexualité, pas besoin d'avoir quelqu'un de proche, quoi que ce soit. Comment elle va pouvoir la gagner? Elle dit oui, mais j'accepte de me marier avec toi. Savez-vous quoi? Peut-être des fois, nos mariages iraient pas mal mieux. Parce que nous, là, on n'est pas comme Dieu. Puis nous, là, on se nourrit. C'est Crabbe qui parle toujours, je ne me rappelle pas cet exemple-là, mais il dit souvent les mariages, c'est que c'est une puce sur un chien, puis des fois, il y a deux puces, puis il n'y a plus de chien. C'est comme ça, c'est à l'image qu'il employait. Mais quelle pensée, là, quelle sécurité, on est en relation avec un Dieu qui ne se nourrit pas de nous, qui n'a pas besoin de nous, mais qui donne en abondance, puis que lui prend soin de nous, de façon gratuite, bénévole, gracieuse. Quelle liberté! Quelle liberté! Et ça nous amène au dernier point. Cela nécessite une réforme. Versets 14 et 15. Une réforme. Ils doivent changer. Les Israélites ont besoin de corriger, de rectifier le tir. Il dit ceci au verset 14. Offre pour sacrifice à Dieu des actions de grâce. Accomplis tes vœux envers le Très-Haut. Invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai et tu me glorifieras. Les sacrifices offensants et insultants qu'ils faisaient à Dieu doivent être remplacés par une autre forme de sacrifice ou de service. Par des sacrifices, dit-il, d'action de grâce d'abord. C'est quoi la différence entre un sacrifice holocauste et un sacrifice d'action de grâce? Bien, en fait, l'action de grâce, c'est quelqu'un qui est reconnaissant envers Dieu, qui a déjà reçu de Dieu, satisfait, béni, puis qui dit, garde Dieu, je veux te montrer ma satisfaction, ma joie, reçois ça, Seigneur. Je sais que tu n'en as pas besoin, mais ça me fait tellement plaisir. Ça correspond beaucoup plus à la réalité puis le genre de relation qu'on doit avoir avec Dieu. Le chrétien devrait abonder, parce que la réalité, c'est qu'il reçoit, il devrait abonder en action de grâce, parce qu'il reçoit de Dieu. Nous sommes nécessiteux, pas Dieu. Nous sommes dans le besoin, pas Dieu. Mais Dieu nous comble, nous bénit, et a choisi d'avoir une relation, et ne se lasse pas de donner. Et donc, on devrait abonder constamment en action de grâce. Accomplis des vœux, c'est le deuxième élément. À quoi devrait ressembler maintenant notre relation avec Dieu, notre service envers Dieu? Mais il dit, accomplis tes vœux. Un vœu, c'est à quelqu'un qui s'engageait à faire ou donner quelque chose à Dieu quand Dieu allait répondre à telle prière. Il y en a beaucoup dans l'Ancien Testament. On en discutera une autre fois. Est-ce que c'est toujours acceptable dans le Nouveau Testament? Je ne veux pas à ce point-ci traiter tout ça. Mais dans l'Ancien Testament, donc Dieu dit, tu devrais tellement expérimenter ma bénédiction que quand tu me pries, puis tu dis, Seigneur, si tu fais telle chose, je vais t'offrir un sacrifice d'action de grâce, ben accomplis-les tes vœux. Et je devrais avoir un peuple constamment, ce que je vois au temple, c'est des sacrifices d'action de grâce, des gens qui accomplissent leurs vœux, parce que ça reflète le genre de relation qu'on a réellement avec le Dieu tout-suffisant. Des invocations dans la détresse. Il dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te répondrai, je te délivrerai et tu me glorifieras. En d'autres mots, quand tu es dans le moment de trouble, je le sais que ça va te venir dans la tête en disant, bon, écoute, il faut que je demande quelque chose à Dieu. Et là, je n'ai-tu assez fait? C'est tellement en nous. Par nature, on est vraiment légaliste. Par nature, on a de la misère. On est habitué à des relations de réciprocité. Je prends un pain, je donne 2 ou 3 $, c'est donnant, donnant. Et les relations sont comme ça dans l'Église même. Elles sont comme ça où c'est donnant-donnant. J'invite une fois, deux fois, mais si on ne m'invite pas, ça finit là. OK? Dieu dit, lui, il y a de quoi qui devrait marquer notre relation, c'est toi qui demandes. Tu m'invoques. Au jour de la détresse, là, première chose que tu devrais penser, demande à Dieu. Puis si tu es dans la détresse, c'est bien possible que c'est parce que tu t'es mis toi-même dans le trouble. Empêche-toi pas de demander pour ça. Je suis là pour te délivrer. Au jour de la détresse, là, crie à moi. Et je vais te délivrer. Je vais répondre. Et tu me glorifieras. C'est là que la gloire de Dieu se manifeste. Tu me glorifieras. Dans 2 Samuel, chapitre 7, il y a une histoire vraiment intéressante concernant ça. Quelqu'un qui a glorifié Dieu, mais qui a passé par le même processus ici qu'on retrouve dans le psaume 50. C'est David. Dans 2 Samuel 7, David vient d'être sur le trône en Israël et il ramène l'arche que les Philistins avaient volée, pour vous rappeler de l'histoire. Il y avait déjà le tabernacle qui était là, un portatif là, qui avait traîné dans le désert. Il amène l'arche, met dans le tabernacle. Puis lui, David, il se bâtit une super de grosse maison, de belle maison, un palais royal. Un bon matin, David regarde ça, puis il regarde la petite tente qui a l'arche de Dieu, le tabernacle de Dieu tout petit. Il regarde à côté son palais, toi. Il se sent un peu coupable. Mais pauvre Dieu, il regarde la maison qu'on lui offre, puis là, il est tout croche, il est mal avec ça. Il dit, je veux faire quelque chose pour Dieu, je veux aider Dieu, ça n'a pas d'allure. Alors, il dit à Nathan, là, il m'est venu une idée, moi, il faut que je bâtisse une maison plus grosse pour Dieu, pauvre Dieu, nécessiteux, il y a un problème, là. Et Nathan dit, vas-y, fais tout ce que tu as sur le cœur. Mais pendant la nuit, Nathan va parler un petit peu trop vite, Dieu se révèle à Nathan. Et Dieu dit à Nathan, il dit, Nathan, va voir David. Puis il dit, lui, David, c'est pas toi qui vas me bâtir une maison. Mais c'est moi qui vais te bâtir une maison, une maisonnée, une descendance royale. C'est moi. Rappelle-toi, David, je t'ai pris, tu étais derrière les brebis. C'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui t'ai protégé, qui t'ai sorti de tous tes problèmes que tu avais avec Saül. C'est moi qui t'ai mis sur le trône. Ce que tu as, c'est moi qui te l'ai donné. Rappelle-toi, le peuple, il était en Égypte. C'est ce qu'il dit à David. Le peuple est en Égypte. C'est moi qui l'ai pris. C'est moi qui m'ai fait une maison. Le thème de la maison revient constamment. David veut une maison, mais Dieu dit, c'est moi qui t'en fais une. Puis le peuple d'Israël qui est ma maison, c'est moi qui l'ai fait. J'ai sorti le peuple d'Égypte, je l'ai protégé, je l'ai béni, je l'ai installé. Puis maintenant, vous habitez dans le pays. Non, tu ne me bâtiras pas de maison. Ça va venir plus tard, ton fils. Et la réponse de David, allez voir à la fin du chapitre 7, il dit, ah Dieu, que tu es grand, que tu es bon. Je te loue, quel grand Dieu tu es. Et donc, il est passé d'une étape, peut-être j'en ai exagéré un petit peu là, en disant, pauvre Dieu, il est dans, c'est pas si fort que ça dans le texte, là, mais c'était quand même la pensée de David qu'il était un peu gêné de voir sa maison comparativement à celle de Dieu. Mais Dieu dit non. C'est moi qui donne, c'est moi qui bâtis la maison. Puis, à un moment donné, vous allez m'en bâtir une, et même là, c'est moi qui va mettre à cœur, c'est moi qui va m'assurer que vous avez les ressources, puis qui va diriger ce projet-là. Dieu n'a pas besoin de rien, mais ce qu'il s'attend de notre part, ce qui est bon, juste, c'est de le louer. Tu me glorifieras. Tu cries à moi au jour de la détresse, je te délivre, puis tu me glorifies. C'est ça l'essence de la vie chrétienne. En conclusion, je vous invite à réfléchir, méditer, contempler ce Dieu-là. Réfléchissez à cet aspect-là, que Dieu n'a besoin de rien et qu'il est tout suffisant. Et tout ce que Dieu fait, il le fait par pure grâce, par pure bonté. Réfléchissez, évaluez votre service envers lui. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu n'a pas besoin de vous? Qu'il n'est pas tributaire? Il ne vous doit rien? Même quand vous avez fait ce qui est bien, tu as juste fait ce qui était demandé de toi. Donc, Dieu n'a besoin de rien, les tributaires de personne, mais il donne, soutient, pourvoit, comble chacun de ses enfants. Notre part première, si on comprend bien ça, notre part première, avant de se mettre à l'action puis de dire, hey, je vais faire telle chose pour Dieu, puis hey, on va y aller, puis on va. Attention, rappelle-toi qui tu es, rappelle-toi qui Dieu est, aie des bonnes dispositions dans ton cœur, mais vas-y, dans une attitude d'humilité, puis en se disant, oui, Seigneur, je suis prêt à te servir, je ne suis pas essentiel. Est-ce que ça vous arrive de dire des fois, hey, si je n'étais pas là, hein, mes pauvres enfants, demain matin, s'il fallait que je meure. Des pasteurs, des fois, là, j'entends, hey, s'il fallait que je ne sois pas là, pauvre église, qu'est-ce qu'elle ferait sans moi? Quelle arrogance! Quelle arrogance! Dieu n'a pas besoin de personne, mais il se sert de nous, il nous utilise, de telle sorte que quand on a été utilisé puis que Dieu a béni, on dit « Gloire à toi, Seigneur ». Ça fait toute la différence. Puis c'est une leçon qu'on a tellement besoin d'apprendre. Et savez-vous quoi? Ça nous donne une liberté. Hey, je n'ai pas besoin de travailler, là, puis de m'assurer que Dieu il est tout le temps content de moi pour être sûr qu'il me bénisse en retour. Puis des fois, j'entends, hey, « Pourtant, là, je me suis donné, puis j'ai servi, puis j'ai donné beaucoup d'offrandes, puis comment ça se fait que j'ai le cancer? » C'est qu'est-ce qui est derrière ça? En disant, hey, « Seigneur, moi, je t'ai tellement donné, puis regarde, t'as pas, toi, tu n'as pas rempli ta part du deal, là. Tu ne donnes pas en retour. » C'est comme ça. Mais ça libère en disant, « Dieu va toujours faire son deal. Il va le faire en premier. » Puis moi, je réponds à ça, et ce qu'il me donne, ben, je partage, je sers avec les dons, les capacités qu'il m'a données. Mais combien on a besoin de revenir à ça qui est essentiel? Dieu aime nos louanges, est honoré par nos louanges, mais n'est pas nourri par nos louanges. Pensez pas là, qu'on se réunit le dimanche, puis là, Dieu fait le plein. Puis là, puis là, pendant la semaine, sa réserve de louanges diminue. Le mardi, là, il file un peu moins bien, puis le mercredi, rendu au vendredi, il n'en peut plus. Puis le samedi, il est complètement dépressif. Puis arrive le dimanche, puis il dit, « Ah, là, l'église va me louer, puis là, on remplit le réservoir. » Dieu est glorieux. Sa gloire ne change pas, ne diminue pas. On n'ajoute rien à sa gloire, on n'enlève rien à sa gloire. Mais quand on est sage, quand on connaît Dieu, on le loue. Et ça lui est agréable parce que c'est juste. Mais il y a un monde entre les deux. Même Jésus. Quel texte, Marc 10, 45. « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en rançon pour plusieurs. » Réfléchissez à ce verset-là. C'est vrai que Jésus avait un ministère particulier là, comme fils de l'homme, mais quand même, il reflète, il est venu pour nous révéler le Père. Et il y a quelque chose dans la personne de Dieu qui sert et qui ne s'attend pas à recevoir nécessairement en retour pour avoir un deal équitable. Le fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie envers pour plusieurs. Et parce que Dieu est ainsi, cela nous libère pour donner aux autres aussi, sans retour et sans nourrir, sans s'en nourrir. Vous savez, si j'ai cette relation avec ce Dieu-là qui est tout suffisant, mais qui me bénit, puis qui me donne, puis je me comble en Dieu, je me satisfais. Parce que quand je connais ce Dieu-là, moi je suis satisfait, comblé, je puis tout par celui qui me fortifie. Dans le contexte, c'est Paul qui dit « Mes besoins, Dieu s'en charge. » Quand ça, c'est plein, que quelqu'un parle en mal de moi, ça va-tu me virer tant que ça à l'envers? Dieu, je me nourris de Dieu. Je ne demande pas aux autres d'être mon Dieu. Eux vont me nourrir, vont me donner ce que Dieu seul peut me donner. C'est pour ça que nos relations, des fois, sont si complexes et compliquées. Là. C'est qu'on se nourrit, nous autres, les uns des autres. Et cette perfection de Dieu, moi, m'aide à me rappeler que mon appel premier, c'est d'être comblé, satisfait de Dieu dans ma relation avec lui. Et ça me libère des attentes envers les autres. Mais ça va être toujours un combat parce qu'on est pécheur. Puis on va être atteint par les autres parce qu'on a toujours des attentes. Mais plus on va grandir dans ce domaine-là, plus on va pouvoir être libre de donner aux autres sans recevoir nécessairement en retour, parce que Dieu, on le connaît et on en est pleinement satisfait. John Piper dit, ce qui glorifie le plus Dieu, c'est quand on est le plus satisfait en lui. Et ça, c'est de la réalité. Alors, pendant que les musiciens s'avancent, on va aller dans la prière, puis je vais inviter quelques personnes à célébrer Dieu, le louer, entre autres pour sa toute suffisance. Alors, prions.